J'interviens donc comme... vous savez que le fil rouge de mes recherches a toujours été de comprendre l'historicité de l'État. Je me permets de rappeler deux trois bouquins parce que ce sont vraiment les jalons qui m'ont amené à cette problématique du national-libéralisme. Il y a d'abord eu mon livre sur l'État en Afrique qui a débouché sur une réflexion qui à l'origine devait être intégrée au livre mais celui-ci avait pris une proportion un peu déraisonnable. Donc une réflexion sur comment penser le rapport entre culture et politique sans être culturaliste, ce qui a donné lieu à l'illusion identitaire. Et puis, en 2004, à une époque, enfin dans le contexte que vous connaissez, je me suis posé la question, donc en fait en 2000, après il a fallu écrire le livre, ça nous a amené à 2004, mais je me suis posé la question de ce que pouvait avoir à dire un spécialiste de l'État sur un processus, la globalisation, qui était censé affaiblir, voire détruire l'État. Donc, il y avait une espèce de paradoxe ou de curiosité. Et c'est dans ce contexte, enfin dans le cadre de ce livre, Le gouvernement du monde, pour la première fois, me semble-t-il, j'ai avancé la notion de national-libéralisme. Naturellement, ce qui va nous retenir aujourd'hui, c'est bel et bien le concept et non pas la polémique, même si, encore une fois, je l'assume et je l'ai encore assumé tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je suis un petit peu fatigué sur une émission en direct qui est assez musclée, avec un vieil ennemi idéologique. Donc, et je n'ai pas eu le temps de boire mon café, qui est Frédéric Ancel, qui est un type très sympathique, mais avec lequel, évidemment, je ne partage pas beaucoup de points communs. Ce fameux concept, je l'envisage comme un type idéal, au sens weberien, mais au sens weberien bien compris. Vous savez que chez Max Weber, le type idéal ne prétend pas du tout épuiser ou de donner une image réaliste ou précise de la réalité historique. C'est une pure construction intellectuelle par rapport à laquelle Max Weber procède par soustraction, en quelque sorte, pour dire que telle ou telle formation historique concrète, décidément, ne colle pas complètement au type idéal, par exemple, de l'autorité charismatique ou de légitimation rationnelle légale, etc. Donc, j'utilise le concept de national-libéralisme comme un type idéal, au sens weberien du terme, et dans un sens d'autant plus weberien que pour moi, le national-libéralisme est un processus. Hein, il ne s'agit pas d'un concept qui renverrait une conception essentialiste du politique, hein, même sur un mode atrophié ou handicapé. Vous savez peut-être que je suis très fidèle à la pensée de Gilles Deleuze quand il dit que le concept doit désigner non pas l'essence mais l'événement. Donc le national-libéralisme, dans ce sens deleuzien, est un événement, c'est un processus de formation de l'État qui est historiquement situé, et c'est bel et bien la conception non essentialiste que je m'en fais. Je voudrais peut-être souligner deux points essentiels, hein, qui sont la chair, en quelque sorte, du concept. Premièrement, celui-ci renvoie à un événement, à un processus, c'est-à-dire la combinatoire de la globalisation, au sens classique du terme, y compris la globalisation du mode de production capitaliste, à partir du 19e siècle. D'un côté, la globalisation, et de l'autre, l'universalisation de l'État-nation, qui est concomitante. Et là, vous voyez que je m'inscris en faux par rapport à toute une tradition ou tout un courant de la science politique et notamment des relations internationales qui pense la globalisation comme en tout cas une relation de jeu à somme nulle avec l'État. Ma réflexion, et notamment dans le cadre du gouvernement du monde, m'a amené à rappeler cette vieille évidence qui était parfaitement connue de Max Weber, de Otto Hitze et de beaucoup d'autres, hein, selon laquelle l'État, la formation de l'État-nation est indissociable de ce processus de globalisation, quel que soit le nom par lequel on désigne. Alors bien sûr, une fois que l'on a posé cette combinatoire, il faut insister sur, si je puis dire, la diversité de ces incarnations historiques. La globalisation elle-même est un processus très, très complexe, très asymétrique. Si on s'en tient à la globalisation, par exemple, financière, on sait qu'elle n'est pas égale dans tous les pays, et même dans quelques-uns des principaux pays du système capitaliste. On sait que, de la même façon, la globalisation via Internet connaît des asymétries régionales très grandes, y compris aux États-Unis. Manhattan est évidemment beaucoup plus branché, on va ça en termes de monde domaine, etc., que le Midwest. Donc il y a des asymétries spatiales qui sont constitutives de ce processus de globalisation. Et puis surtout, ce processus de globalisation n'est ni homogène ni cohérent, puisqu'il y a des disjonctions majeures entre ce que Apadura nomme les différents paysages de la globalisation. Et même au cœur de l'économie capitaliste, donc de la globalisation capitaliste. Enfin, par exemple, vous avez une intégration très poussée de la globalisation financière, et il y a une globalisation, une intégration beaucoup moins poussée du commerce, du marché des biens. Où il y a toute une série de contournements de la liberté du libre-échange par le biais de protections administratives ou autres. On sait bien qu'une grosse part de la globalisation commerciale renvoie du commerce interne aux entreprises, aux grandes entreprises grandes multinationales, globales, etc., etc. Donc vous avez une disjonction entre la globalisation financière et la globalisation marchande, et vous avez surtout une énorme disjonction entre l'intégration plus ou moins poussée du marché des capitaux et du marché des biens, d'une part, et d'autre part, la fragmentation de plus en plus coercitive, voire militarisée, du marché international de la force de travail. Et ça, c'est une disjonction majeure. Disjonction majeure qui, selon certains historiens de l'économie, ont déjà précipité le monde occidental dans la Première Guerre mondiale, et dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est lourde de contradictions politiques considérables. Mais il y a d'autres paysages de la globalisation, le paysage religieux, le paysage culturel, scientifique ou autre, et aujourd'hui, plus un seul marxiste qui oserait soutenir qu'il y a une cohérence particulière entre ces processus hétérogènes de globalisation et la globalisation capitaliste. On sait bien qu'il y a quand même au moins une autonomie relative, pour citer un vieil auteur qui a un peu disparu des mémoires, Nikos Koulantzas. Il y a au moins une autonomie relative, non seulement de l'État, mais également de ces différents champs de l'activité sociale par rapport, disons, au rapport social de production ou par rapport aux forces productives. Alors, hétérogénéité et incohérence à bien des égards du processus de globalisation, et puis bien entendu, hétérogénéité de l'État-nation, puisque par définition, en tout cas en ce qui me concerne, cet État-nation ne peut être compris, et les sociétés politiques ne peuvent être comprises que dans les termes de leur historicité. Et là, on voit très bien, au fil des travaux, et même au fil des évidences de l'actualité, que cette historicité des différentes sociétés, même si elles sont congruentes du point de vue de l'universalisation de l'État-nation, cette historicité des différentes sociétés ne se dissout pas dans le processus de globalisation. Si vous prenez par exemple la Russie de Yeltsin et ensuite de Poutine, on voit très bien comment l'État-nation et ses différents acteurs en Russie se subordonnent les processus de globalisation économique, y compris les conditionnalités financières ou économiques auxquelles l'Occident avait cru à un moment donné soumettre l'ancienne URSS. Bon, donc, évidemment, cette histoire était parfaitement intelligible pour l'africaniste que j'ai été à une certaine époque, puisqu'il est arrivé avec ses programmes de. Ses thérapies de choc en Russie au début des années 1990, ce qui était arrivé 10 ans auparavant avec les programmes d'ajustement structurel en Afrique subsaharienne. Donc, il n'y avait rien d'étonnant pour un africaniste. De la même manière, on voit bien, là je citerai l'article de Béatrice Hibou et de Mohamed Tozzi parce qu'il est particulièrement éclairant. C'est un article qui avait été publié, je crois, en 2003 ou 2002 dans Critique Internationale et qui était consacré à la libéralisation de la téléphonie mobile au Maroc. Donc on voit très bien le Maroc adopter cette réforme de libéralisation de la téléphonie mobile, conformément au canon de la bonne gouvernance, du néolibéralisme, etc. Mais l'institution monarchique, le Marzen, se subordonne ce processus de libéralisation de la téléphonie, notamment en ne la budgétisant pas, hein, et en attribuant la manne, et le terme de manne est utilisé avec une très forte connotation historique et culturelle au Maroc, donc en attribuant cette manne de la libéralisation à un fonds spécifique, hein, sous prétexte de bonne gouvernance, ne pas dilapider cet argent, etc., fonds spécifique qui n'est pas géré par le gouvernement mais directement par le palais royal. Donc là, vous avez un renforcement de l'institution monarchique grâce à l'application de la bonne gouvernance de type néolibéral. Donc il y a une irréductibilité de l'historicité de cet État-nation, et mon propos a toujours été de comprendre la singularité de ces trajectoires historiques, étant entendu que cette singularité ne renvoie pas à une incommensurabilité de type culturaliste. C'est-à-dire, pour moi, les sociétés africaines, je l'ai écrit dans l'État en Afrique, sont des sociétés politiques comme les autres, que l'on doit comprendre dans leur banalité. Et j'ai délibérément utilisé le terme de banalité, assez provoquant à l'époque. Hein. Donc, toutes ces sociétés participent de l'universalité du politique, mais on ne peut pas comprendre l'universalité du politique sans en comprendre, sans en appréhender la singularité historique ou les singularités historiques. Là aussi, comme raisonnement, c'est très deleuzien, ces répétitions et différences. C'est la raison pour laquelle tout le débat sur l'État importé, etc., m'a paru assez oiseux, parce qu'en fait, il y a, par définition, une appropriation au sens marxien du terme, ou une actualisation, si vous préférez, le discours de Deleuze, enfin le vocabulaire de Deleuze, de la démocratie, par exemple, ou du marxisme et du léninisme, ou du néolibéralisme que l'on met en œuvre. Bon. Donc ce qui compte, c'est véritablement cette logique d'appropriation et de réinvention de la différence, pour citer l'anthropologie postmoderne. L'une des caractéristiques de cet État-nation en cours d'universalisation, c'est ce que Béatrice Hibou, à nouveau, a qualifié de privatisation. Ce sont les processus de privatisation des États, qui là aussi n'est pas forcément aussi nouveau et aussi compréhensible aussi compréhensible dans les termes du marché que ne suppose la vulgate néolibérale, parce qu'au fond le welfare state, l'état dirigiste a peut-être été une très courte parenthèse issue de la grande transformation dont nous parle Karol Polanyi. Bon. Mais si vous regardez le processus de formation de la monarchie absolutiste, par exemple, dans l'ancien régime français, on a au fond un État que l'on qualifierait aujourd'hui de privatisé. Si vous considérez l'État familial dont parle Julia Adams à propos des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, enfin de l'Angleterre et de la France, on a un État qui aujourd'hui d'ailleurs serait qualifié de faible par certains théoriciens des relations internationales, un État qui doit beaucoup à des acteurs privés, comme par exemple les compagnies des Indes, et la compagnie des Indes orientales dans le cas des Pays-Bas est tout à fait flagrant. Donc on a un État qui est un État lignagé et très largement privatisé en ce sens qu'il est assez largement une émanation de la compagnie des Indes orientales. La colonisation qui a été un grand moment d'universalisation de l'État sur le continent africain reposait sur un gouvernement indirect qui était très largement un gouvernement d'ordre privé, hein, puisque le colonisateur y compris dans les colonies françaises, a beaucoup pratiqué l'administration indirecte au profit de chefferies supposées traditionnelles, mais inventées pour la plupart du temps en tant que telles, et dont les titulaires, dont les tenants, ont agi comme des opérateurs privés, tirant, extrayant de l'État colonial un certain nombre de ressources coercitives ou autres pour affirmer leur pouvoir et accroître leur richesse. Mais je fais plutôt allusion à toutes les délégations qui ont été consenties, soit directement à des entreprises par le biais de sociétés concessionnaires, hein, dont nous avons tous lu les méfaits, notamment sous la plume d'André Gide, entre autres, mais également au profit des missions chrétiennes, à qui ont été déléguées une bonne part de la mission dite civilisatrice, l'école, la santé. Alors après, vous pouvez avoir effectivement des variations d'un territoire à l'autre, d'un type de colonisation à l'autre. Il est vrai, même s'il ne faut pas exagérer cette différence, que le colonisateur britannique s'est beaucoup plus appuyé sur les missions chrétiennes que le colonisateur français, qui a toujours eu une relation ambiguë dans le contexte des relations difficiles entre la République et l'Église. Bon, donc le jeu était parfois équivoque, mais fondamentalement, nous avons eu des États coloniaux qui étaient très largement privatisés. La grosse naïveté qui est très en cours, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qui en tout cas a prévalu pendant assez longtemps, c'est de considérer que cet État privatisé répondait aux lois du marché, à l'impératif catégorique de la transparence, et était en tant que tel pourvoyeur de liberté. Je vous rappelle simplement que depuis 2001 au moins, l'instauration d'un régime, d'un État policier dans les démocraties libérales s'effectue et est déléguée à des opérateurs privés, comme les banques, comme les compagnies aériennes qui ont été privatisées. Bon, par exemple, le droit d'asile a été évidé en France par la simple délégation à des compagnies privées de Air France, en l'occurrence privatisée, en matière de contrôle des passeports et des visas Schengen à l'embarquement. Et ça, évidemment, si vous supprimez le droit d'asile, dans la Constitution, ça fait désordre. Et il faut espérer qu'il resterait encore quelques manifestants dans les rues de Paris pour protester. Ça a été fait sans bruit ni tapage. Puisque concrètement, l'exercice du droit d'asile a été rendu quasiment impossible, sinon au péril de sa vie, en traversant la Méditerranée, le Sahara ou les Balkans. Bon. L'État privatisé peut d'autant plus être un État despotique que sa privatisation lui permet d'échapper à toute une série de checks and balances et de contrôles parlementaires. Par exemple, la privatisation de la guerre a permis au président américain de contourner le contrôle du Congrès et a émancipé les combattants américains de la justice. C'est représente des avantages comparatifs assez nets. Et cet État privatisé peut donc être un État despotique. Ce qui n'est pas un scoop, parce que l'État absolutiste, la monarchie absolutiste française reposait très largement, pour certaines de ses fonctions régaliennes, sur des opérateurs privés qui étaient les fermiers généraux, qui pourvoyaient aux fournitures aux armées et qui levaient l'impôt. Donc là, évidemment, la représentation néolibérale pêche soit par naïveté, soit par duplicité. Une autre particularité de cette combinatoire de la globalisation et de l'universalisation a été ce que nous avons appelé dans le cadre du réseau européen d'analyse des sociétés politiques, y compris sous la signature de Béatrice Hibou dans deux ouvrages, la bureaucratisation du monde. Et il faut bien voir que là aussi, en contradiction avec l'idéologie néolibérale, le discours néolibéral, cette... la globalisation d'une part et d'autre part l'universalisation de l'État-nation promeuvent la bureaucratisation du monde. Si l'on accepte avec Max Weber de ne pas réduire la bureaucratie à l'administration, enfin au civil service, enfin au fonctionnariat, bon, les entreprises sont des institutions bureaucratiques, au sens weberien du terme, qui répondent à une logique rationnelle légale. Les organisations non gouvernementales sont des institutions bureaucratiques, sauf à s'émanciper de la législation, de la comptabilité, etc., etc., le risque des périls. Les syndicats et même les églises sont des institutions bureaucratiques. Et on voit très bien, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, comment, par exemple, en Afrique subsaharienne, a prévalu un processus de bureaucratisation que les chantres de l'État failli ne voient pas du tout. L'appropriation de l'institution bureaucratique par les sociétés africaines est un phénomène remarquable et massif. Vous prenez n'importe quelle association, même l'institution presque caricaturale de ce que l'on appelle l'économie informelle, la tontine, est hautement bureaucratisée, avec des règlements intérieurs, avec des pénalités. Enfin, moi, je suis président d'une association, le FASOPO, je vous assure qu'une tontine d'Aminéké au Cameroun est 100 fois plus bureaucratisée que la gestion, pas olé-olé, mais enfin très informelle du FASOPO. Hein. Et même les camps de mineurs, de mineurs sauvages en Angola ou au Sahel reposent sur une hiérarchie, sur des titres, sur donc il y a une bureaucratisation du social que nous ne voyons plus tellement parce que nous sommes dans la bouteille, mais qui est très évidente. Alors, bien entendu, et là je reprends les ouvrages de Béatrice Hibou, le néolibéralisme est un formidable pourvoyeur de bureaucratisation. Vous savez que la norme ISO, par exemple, ne fournit absolument aucune garantie de type qualitatif, c'est simplement le respect d'un certain nombre de procédures. Et par exemple, vous avez des tribunaux aujourd'hui qui affirment respecter la norme ISO, ce qui ne rend pas leur jugement plus équitable ou moins incontestable. Donc nous sommes vraiment dans un monde de formalité, ce qui explique d'ailleurs en grande partie les désordres de la finance internationale, parce que là aussi tous les contrôles portent sur le respect des procédures et absolument pas sur la réalité, par exemple, du risque. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, mais enfin je voulais insister sur ce premier aspect des choses, combinatoire de la globalisation et de l'universalisation de l'État-nation, que l'on ne peut comprendre qu'en termes d'historicité des sociétés, et dont une manifestation majeure est la bureaucratisation du monde, la bureaucratisation du social. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que le culturalisme est paradoxalement l'idéologie et peut-être de plus en plus l'épistémée de la globalisation. Alors là, il y a Il y a évidemment un paradoxe, parce qu'on nous dit que la globalisation, c'est plus ou moins l'uniformisation, l'américanisation, la marchandisation, enfin, toute une série de... Vous voyez, à vos ismes, je rajoute des ions. Et tous, chacun, dans cette salle, ne serait-ce que par moment, nous pensons comme cela, en nous irritant, en voyant un McDo, je ne sais quoi. Bon. Donc nous avons tous plus ou moins cette image. Mais là aussi, historiquement, on analyse cette combinatoire globalisation, universalisation de l'État-nation, on voit qu'elle produit des répertoires culturels ou des consciences éminemment particularistes. Beaucoup de mes collègues spécialistes de l'Inde ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique ont insisté sur cette synergie entre, par exemple, en Inde, le communalisme et la colonisation, à la fois dans son versant capitaliste et dans son versant, national ou impérial britannique. Des spécialistes du Moyen-Orient ont pu montrer comment le confessionnalisme était le produit de la politique mandataire de la France au Liban. Et on sait bien en Afrique que l'ethnicité est une fonction, presque au sens mathématique du terme, de la colonisation, puisque ça a été une forme de transaction économique entre les peuples colonisés et les colonisateurs, selon une alchimie complexe, que naturellement l'historiographie nationaliste ne comprenait pas véritablement lorsqu'elle se bornait à dire que le colonisateur avait divisé pour mieux régner. Je crois que les choses ont été beaucoup plus compliquées, mais nous verrons dans un instant. Si on regarde un pays comme la France, on sait bien que les 360 et quelques fromages dont nous enorgueillissons, toute cette idée de cuisine de terroir, a été un produit du 19e siècle, à la fois de la centralisation du 19e siècle, dans la continuité tocquevillienne de l'Ancien Régime, mais avec toutes les ressources que procurait ce qu'on appelle encore la révolution industrielle. Hein. Donc il y a toute l'invention des petites patries, voire de formes de régionalisme politique, Frédéric Mistral, etc. Simultanément, cette invention des petites patries s'inscrit dans le contexte de la formation d'un marché unique de type capitaliste qu'alimente et qu'innerve, par exemple, le réseau des chemins de fer. Pour dire les choses brièvement, le camembert ou le livaro ne sont pas l'expression du génie éternel de nos amis normands, c'est un produit dérivé de la ligne Paris-Deauville, de la ligne de chemin de fer Paris-Deauville, qui a permis de convoyer vers les halles parisiennes les fromages. Il y avait un marché et puis il y a eu tout un travail d'élaboration de ce fromage. Il y a des travaux très sérieux, beaucoup plus sérieux que moi, qui ont écrit sur cette question fromagère, par exemple. Bon. Donc quand on y regarde de près, on s'aperçoit que, paradoxalement, le culturalisme, c'est-à-dire l'idée de la réification des identités et de la culture, et la pensée magique qui consiste à leur attribuer une causalité, une fonction causale ou une surdétermination causale décisive, tout cela est le produit de la synergie entre la globalisation et l'universalisation de l'État-nation. Ce que l'on connaît très bien aussi avec ce que Anne-Marie Thiès a nommé la création des identités culturelles, c'est nationales. Ça, nationales, la création des identités nationales dans les Balkans, hein, donc l'effet Grimm, l'effet Bartok aussi, l'invention de culture populaire, etc. Ce sont des choses que personnellement j'ai assez directement travaillé à propos de la Turquie, ou plus indirectement à propos de l'Iran. Une illustration de ce processus de production des particularismes est ce que l'on a nommé l'invention de la tradition. Bon, vous connaissez tous le titre de cet ouvrage de Husbaum et Ranger, qui est un livre très, très important, très connu, donc que je n'insiste pas sur ce point. Ce processus d'invention de la tradition a été l'un des vecteurs majeurs de l'appropriation de l'État en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Hein. Je citais tout à l'heure l'exemple du Maroc, cette capacité du Marzen à surfer sur les politiques de libéralisation, mais en réalité c'est une histoire beaucoup plus ancienne, puisque la joint venture entre l'institution monarchique et le résident français Lyautey a considérablement renforcé pendant l'époque du protectorat les capacités administratives de l'institution monarchique marocaine. Et l'institution monarchique marocaine a produit de la chérifitude, de la marocanité, si vous voulez, à grande dose. Bon, et alors, là aussi, ce sont des processus complexes. Il ne faut surtout pas s'imaginer que dans le secret d'une alliance, le roi du Maroc et le maréchal Lyautey ont concocté un cocktail d'invention de la tradition. Non, bien sûr, ce sont des processus très, très, très complexes et qui relèvent plus de la formation de l'État au sein de John Lansdale et de Bruce Berman que des politiques publiques, que de la construction de l'État. Hein. Donc il faut raisonner en termes de processus et en termes de moments. L'invention de la tradition, naturellement, a prospéré en Afrique subsaharienne. Et on voit bien, là aussi, comment cette tradition a été un appareil de production, un appareil idéologique de reproduction de l'État au lendemain des indépendances. On peut en donner une petite illustration anecdotique. Vous savez qu'il y a ce proverbe complètement stupide de deux crocodiles mâles ne peuvent pas se glisser dans la même marigot, qui est le proverbe qu'inévitablement un journaliste français ou un homme politique français vous sortira pour expliquer qu'il n'y a pas de bonne démocratie en Afrique. Grosso modo. Il est évident que là, on a un pur produit de l'invention de la tradition. Je suis à peu près convaincu que ce proverbe a été inventé par un administrateur des colonies, un soir où il avait un peu abusé sur le whisky soda. Mais n'empêche que les théoriciens africains des régimes de parti unique ont allègrement surfé sur ce proverbe apocryphe et ont justifié la domination des régimes de parti unique par l'incompatibilité entre la culture africaine et les institutions démocratiques, ce qui est un non-sens anthropologique et politique, parce que les institutions, les sociétés africaines anciennes, qu'elles fussent segmentaires ou étatiques, reposaient sur des équilibres de pouvoir, sur des systèmes de checks and balances extraordinairement raffinés. Il n'y avait pas à proprement parler de monarchie, par exemple, absolutiste dans les sociétés africaines anciennes. Il y avait même des monarchies, comme l'Empire Ashanti dans le Ghana contemporain, qui à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, se sont engagées dans un processus de bureaucratisation de l'institution monarchique et de complexification de l'institution monarchique, qui avait presque abouti à un processus à une constitutionnalisation de l'Empire au moment où les Anglais l'occupent militairement à la fin du XIXe siècle. Donc on avait des institutions extrêmement raffinées. Il ne s'agit pas de dire qu'elles étaient démocratiques. Il ne s'agit pas de faire des anachronismes, comme cela a parfois été fait par des idéologues africains. Mais en tout cas, c'est une aberration que de considérer que la tradition africaine était une tradition de type despotique-court. C'est un argument d'invention de la tradition qui a été utilisé aussi bien par les colonisateurs qu'ensuite par leurs légataires pour légitimer, au nom de la culture, des systèmes particuliers de domination. Les exemples sont multiples. Ils doivent nous conduire à insister sur le fait que ce processus d'invention de la tradition ne relève pas simplement de l'idéologie, mais bel et bien de la conscience politique, hein, et la reproduction, l'appropriation des catégories ethniques on est le meilleur exemple. Hein, là aussi, on sait bien comment les notions de Hutu et de Tutsi ont été ethnicisées et même racialisées par les Allemands et par les Belges. Hutu, hein, en fait, singulièrement au Burundi, c'est un statut. Quand elle était Hutu, ça voulait dire, grosso modo, que l'on faisait partie du tiers-état. Hein. Et de Hutu, on pouvait devenir Tutsi par cooptation par la monarchie, un peu comme un bourgeois du tiers-état pouvait acheter un titre quelconque, un titre notabiliaire quelconque, et de devenir un aristocrate éventuellement de mauvais sang. Mais bon, donc Hutu, c'était un stand au sens de Weber, c'était un statut. Ça n'était pas du tout une catégorie ethnique à l'origine. Donc cette catégorie a été ethnicisée, racialisée par les idéologues de la colonisation. Mais malheureusement, on sait bien comment cette racialisation de la distinction Hutu-Tutsi a fait l'objet d'un processus d'appropriation de la part des Burundais ou des Rwandais eux-mêmes jusqu'au grand massacre des années 60-70 et finalement le génocide de 1994 au Rwanda. Bon. Donc il y a cette dimension de la conscience politique. Cette dimension de la conscience politique et de la conscience sociale, mais il faut aller plus loin. Cette invention de la tradition est souvent passée par l'acquisition d'une culture matérielle les techniques du corps qui allaient de pair. L'exemple le plus drôle, c'est sans doute celui du maréchal Mobutu, dont vous vous souvenez peut-être qu'il avait promu l'authenticité zaïroise, voire déjà le terme de Zaïre pose problème, parce que c'est un terme d'origine occidentale, enfin, qui n'a absolument aucune consonance historique particulière. Bon, à la limite, évidemment, c'était circonscrire son propos, il aurait pu parler de Congo, qui avait une plus forte, mais c'était circonscrire le périmètre de la conscience nationale du territoire dont il se réclamait. Donc, mais le plus intéressant, c'est l'habillement de Mobutu. Mobutu, comme beaucoup de constructeurs de nations, a prétendu imposer un vêtement national qu'il a qualifié d'abacos, bon, ça veut dire abat costume, ce qui est déjà un signe curieux d'authenticité. Le modèle le plus évident de l'abacos, c'est la vareuse maoïste, parce que Mobutu avait été très impressionné par les grands rassemblements de la belle époque maoïste, et évidemment, pour un dictateur, c'était un truc génial, quoi. Ces grandes chorégraphies, bon, c'était quand même pas mal. Donc il a essayé d'importer cette ingénierie, et là, il y a eu un processus de réinvention de la différence, de création de cet abacos, parce qu'évidemment, la nomenclatura zaïroise ne voyait pas beaucoup de charme dans l'austérité de l'abacos, enfin de la vareuse de maoïste, et s'est tournée vers les meilleurs tailleurs italiens pour se faire tailler des abacos dignes de leur rang. Bon, donc il y a eu une espèce de tropicalisation sur un mode grâce au génie des couturiers italiens pour redessiner l'abacos, mais quand vous regardez attentivement l'abacos, elle ressemble quand même furieusement à la saharienne de l'administrateur belge. Donc il y a une jeunesse qui est extrêmement intéressante à faire de ce vêtement. Et puis vous savez par ailleurs que Mobutu avait toujours une petite toque de léopard sur la tête. Alors là, c'est remarquable comme vêtement, enfin comme pièce vestimentaire, parce que vous avez le léopard, alors qui lui est un insigne de pouvoir de très longue durée dans l'Afrique équatoriale. Les archéologues ont trouvé des traces d'insignes de pouvoir en léopard qui remontent au 12e ou 11e siècle. Donc c'est vraiment là, on est dans la très longue durée. Mais la toque, quand vous la regardez attentivement, c'est le fez de l'armée ottomane. Et de fait, l'armée ottomane, où ses supplétifs frayaient dans toute la vallée du Nil et remontaient jusqu'à la région, en particulier du Water, où ils ont été d'ailleurs natifs Mobutu. Et puis quand, quand vous regardez également attentivement, vous voyez que en fait c'est le fez ottoman, mais qui avait été repris par le colonisateur belge pour équiper sa force paramilitaire de maintien de l'ordre au Congo. Bon. Donc dans ce seul vêtement, vous avez la concaténation de plusieurs durées historiques, une notion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure si le temps m'en est donné. Donc je crois qu'il faut vraiment comprendre cette invention de la tradition bien au-delà de la seule sphère idéologique. On est vraiment dans le monde de la culture matérielle et des techniques du corps qui vont avec. Hein. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va défendre la tradition à grands coups de Kalachnikov et se servir d'une Kalachnikov, c'est une technique du corps, ça suppose un entraînement, etc., etc. On a vu également les Africains s'emparer de cette tradition tout en revendiquant, parfois avec un grand souci de l'étiquette, le vêtement occidental. Et là, ça a souvent été à front renversé. Par exemple, au Tanganyika britannique, dans les années 30, des élèves d'un pensionnat chrétien se mettent en grève pour exiger le port du short, alors que les missionnaires veulent les cantonner au port de la shuka, qui est une espèce de tunique, enfin de pagne swahili. Bon, donc vous avez des Africains qui revendiquent le port du vêtement occidental, et vous avez des Occidentaux qui leur assignent un vêtement supposé traditionnel. Bon, là, c'est un processus d'assignation identitaire, donc vous voyez toute la force, évidemment, politique. Alors, bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais maintenant passer à un autre moment de ma réflexion. Le national-libéralisme, si on le définit à partir de ces deux grands points, d'une part combinatoire de la globalisation et de l'universalisation de l'État-nation sur le mode de la bureaucratisation, d'autre part le culturalisme comme idéologie non seulement de la globalisation mais également de la formation de l'État, si on définit ainsi le national-libéralisme, l'on peut y voir un outil comparatif. Et vous savez que je me réclame de cette fameuse sociologie historique et comparée du politique. Alors, un outil comparatif, c'est au sens de la sociologie historique et comparée du politique. Et là, je crois que l'auteur qui nous est sans doute le plus utile, c'est Paul Venn, l'historien Paul Venn, quand il nous le rappelle que la comparaison est un opérateur d'individualisation. Vous savez que Paul Venn souligne qu'en français, le verbe comparer a deux sens qui sont différents, qui sont presque antithétiques. Le poète compare l'amour à la flamme, pour dire que l'amour brûle comme le feu, donc pour insister sur l'identité là, de ces deux phénomènes, alors que l'historien compare la démocratie libérale occidentale du XXe siècle avec la démocratie grecque pour montrer combien ces deux formes historiques sont naturellement différentes. Donc il s'agit bien de comparer les choses avec les choses, les situations historiques avec les situations, avec d'autres situations historiques, et non pas d'utiliser le comparatisme comme une espèce de fer à repasser qui aplatit l'historicité des sociétés. Là, je crois que l'on peut décliner le national-libéralisme en quelques poules, au sens footballistique du terme, en quelques sous-catégories, si vous voulez, sans naturellement prétendre réduire l'historicité de chacun des cas que l'on retrouvera dans ces poules différentes. Nous avons tout d'abord les situations démocratiques, enfin dites démocratiques, ouest européennes ou occidentales, où je crois que le terme le concept de national libéralisme trouve des illustrations très claire, très puissante, dans des figures assez différentes, mais néanmoins congruentes, comme celle de Nicolas Sarkozy, ou de David Cameron, ou de Silvio Berlusconi. Là, je crois qu'on en a des personnages qui, très clairement, par leur style politique, quand je dis style, c'est au sens de Peter Brown, bon, leur style de commandement, sont de très belles illustrations de ce que j'ai défini comme, de façon très polémique, le national-libéralisme, le national pour les pauvres et le libéralisme pour les riches. Un peu à l'emporte-pièce, mais je trouve qu'elle fonctionne assez bien sur des personnages de ce genre. Les médias qui sont associés à ces hommes politiques sont très révélateurs, eux aussi, de la combinatoire entre la globalisation et l'universalisation de l'État-nation. Les Murdoch sont exemplaires de ce point de vue. La manière dont les Murdoch incarnent dans leur presse le nationalisme britannique le plus chauvin qui soit, tout en étant naturellement, un grand empire mondial de la communication qui a les meilleures relations avec le parti communiste nationaliste chinois. Bon, le parti communiste comme porteur du nationalisme chinois. Et les Murdoch, tous libéraux qu'ils soient, évidemment, prêtent la main au parti communiste chinois pour censurer, voire surveiller les dissidents. Bon. Donc je trouve que les Murdoch sont très, très, très révélateurs du national-libéralisme en situation démocratique et libérale occidentale. Mais évidemment, les acteurs sont assez différents dans cette catégorie. Vous avez les droites identitaires qui ne rompent pas ou très difficilement avec le libéralisme. Bon, alors c'est tout l'intérêt aujourd'hui, si je puis dire, du Front National. On voit bien comment le Front National, c'est peut-être de papier collant au bout des doigts, et selon qu'on a la version Jean-Marie ou la version Philippot, on voit bien qu'il est en train de se débattre avec ça. D'un côté, il cherche à restaurer un certain état dirigiste qui prétend être un welfare, etc. Et d'un autre côté, on n'est quand même pas non plus dans le socialisme, on s'en fout. Blocher en Suisse, et lui aussi, alors lui, il est carrément libéral, bon, et économiquement, et naturellement très identitaire sur le plan politique. Bon. Ce qui fait également la particularité de nos situations, c'est comment la droite classique s'est trouvée prise au piège de l'identité. Et comment progressivement, depuis 30 ans, c'est cette droite classique se fait absorber ou se fait satelliser par cette problématique identitaire, la figure clé étant bien entendu celle de Nicolas Sarkozy et de certains de ses conseillers comme Patrick Buisson qui bien sûr brouillent complètement la frontière. Bon. Et là aussi le débat il est à l'intérieur du parti des Républicains, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, où il y a cette tension entre Sarkozy et Juppé qui n'incarnent pas du tout le même positionnement par rapport à cette problématique du national-libéralisme. Quant à la gauche, la gauche social-démocrate, force est de reconnaître qu'elle aussi s'est fait absorber, s'est fait prendre par le piège de l'identité. Alors, il y a des symptômes. Bon, par exemple, l'omniprésence, la centralité du débat sur l'islam avec des sujets qui sont des sujets complètement anecdotiques comme le hijab. Enfin, comme on pense que la France, en 15 ans, a disserté et s'est affronté sur la question du hijab qui représente quelques 5 000 jeunes femmes d'origine musulmane, s'offrir ce luxe quand on a 10% de chômage depuis 30 ou 40 ans, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Et là, on est vraiment dans cette dimension imaginaire du politique, sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans l'illusion identitaire, où des éléments de la culture matérielle, en l'occurrence le voile, arrivent à fournir une traduction abrégée, au sens de Freud, une traduction abrégée du politique, du corps politique, de la cité. Bon. Et bon, c'est pas propre à la France, hein. Tout le débat, non seulement sur le voile, mais sur la barbe, etc., dans les pays musulmans, sont aussi de très beaux exemples de traduction abrégée du politique. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que moi j'ai travaillé sur la Turquie à une époque où le fait de porter au mauvais arrêt d'autobus une barbe nationaliste ou une barbe gauchiste ou une barbe ou une moustache kémaliste pouvait vous faire passer de port à trépas. Donc le poil est quelque chose de très sérieux dans la vie. Il ne faut pas prendre ça au. négliger cet aspect des choses. Bon. Et il est intéressant aussi de voir comment en 10 ou 20 ans, le qualificatif de laïque s'est réifié, s'est essentialisé, et comment aujourd'hui la laïcité, aux antipodes du pragmatisme du législateur de 1905, est devenue une nouvelle religion, au fond. Bon. Et comment c'est devenu, tout le problème de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Je crois qu'aujourd'hui, en Europe comme au Moyen-Orient, nous sommes devant une alternative. Est-ce que nous allons garder une conception universaliste de la citoyenneté, ou est-ce que va prévaloir la conception ethno-confessionnelle de la citoyenneté qu'incarne Orban, mais Orban fait partie de l'Union européenne, ou le demi-jumeau polonais, ou bien entendu un parti comme le Front National, quelle que soit l'eau qu'il met parfois dans son vin. Et ça, c'est un débat, je pense, qui est utilement éclairé par la définition ou le concept du national-libéralisme. Il y a une deuxième série de situations qui m'intéressent, ce sont les situations que j'ai qualifiées de thermidoriennes. Donc si vous allez dans les études du CERI, j'ai fait une question de recherche du CERI en ligne, vous avez un papier que j'avais fait en 2011 à peu près, sur les situations thermidoriennes. Qu'est-ce qu'une situation thermidorienne en fait? Moi j'ai toujours été évidemment très, très critique de la transitologie les textes qui ont accompagné les printemps arabes nous ont confirmé qu'on n'a pas guéri cette maladie, qu'on reste dans la pandémie, en dépit du vaccin d'Oboï et quelques autres. Mon problème, c'était de comprendre un certain nombre de situations politiques qui étaient des situations issues de moments révolutionnaires, et qui étaient confrontées à un moment, au fond, national-libéral, c'est-à-dire comment garder le contrôle du pouvoir à l'échelle nationale, dans le cadre d'un État-nation, dans un contexte de globalisation, et en relevant le défi, notamment économique, de la globalisation. Mais l'élément, le dénominateur commun de cette catégorie, c'est bel et bien l'événement révolutionnaire, à un moment ou à un autre, de la trajectoire de l'État considéré. Alors, rentre dans cette catégorie la Russie, avec la révolution de 1917, la Chine, tous les États de la péninsule indochinoise, Cuba, après on peut avoir quelques hésitations sur certains pays africains, selon qu'on qualifie ou non de révolutionnaire ce qui s'est passé en Éthiopie ou au Congo Brazzaville, par exemple. Et puis vous avez l'Iran. Bon, ben bon, après, on peut trouver d'autres choses peut-être. Mais, donc là, on a des événements révolutionnaires qui, évidemment, ne relèvent pas de la même chronologie. On a des classes politiques qui se constituent sur la base de cet événement révolutionnaire, dont la composition peut d'ailleurs être variable. Hein. Il y a des anciennes élites qui sont recyclées. Tout ça, on connaît bien grâce à la Révolution française, qui précisément va nous offrir un paradigme. Hein, donc là, j'ai pris le moment thermidorien de la Révolution française et j'en ai fait un paradigme. Je continue à raisonner en termes du type idéal, en quelque sorte, tel que je l'ai défini au début de mon intervention. Alors, ce paradigme, si on fait un peu la synthèse de ce que les historiens nous disent du thermidor français, repose sur un certain nombre d'éléments. Thermidor, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas la récusation de la Révolution. Thermidor s'inscrit dans la Révolution, ne la répudie pas. et cherchent au contraire à la sauvegarder. Donc les permis de rien restent des révolutionnaires, ils ne remettent pas en cause l'événement révolutionnaire. Deuxièmement, ce sont des. C'est une élite révolutionnaire qui se professionnalise comme classe politique tenante d'État. Et bien entendu, les Thermidoriens sont les grands fondateurs du Premier Empire et de toute son œuvre législatrice, etc. À partir du moment où ils ont trouvé leur fondé de pouvoir, qui évidemment sera un peu envahissant, que Napoléon prend. Ensuite, Thermidor est un grand moment d'accumulation. Sur le mode que j'ai beaucoup exploré à propos de l'Afrique subsaharienne, du chevauchement des positions de pouvoir et des positions d'accumulation. Donc les Thermidoriens, l'élite thermidorienne, par le biais des cousins, des frères, etc., s'empare des biens nationaux et c'est un grand moment d'accumulation capitaliste. Par ailleurs, Thermidor est un moment, pour reprendre les termes, je crois, de François Furet, où les révolutionnaires sortent du rêve de la tabula rasa et reconnaissent l'inertie du social et se disent bah, « il faut bien faire avec bon. ». Donc c'est un moment de composition avec l'autonomie du social et ce qu'on nommerait aujourd'hui sa résilience. Bon. Donc ça, si vous voulez, grosso modo, c'est le... Ce sont les grands traits du paradigme thermidorien. Des traits parmi lesquels ne figure pas, ce qui me paraît être un contresens absolu, la modération. Par exemple, j'ai été très critiqué, parce que j'ai qualifié, je vais revenir dans un moment, de thermidorienne la République islamique d'Iran. Et beaucoup de gens, comme Feu Thérèse Delpech, disaient « mais c'est du n'importe quoi, la République islamique d'Iran avec son programme nucléaire n'a rien de thermidorien ». C'est oublié que Thermidor sont toutes les campagnes, par exemple d'Italie, l'expédition d'Égypte, plus quelques autres campagnes du côté du Rhin. Bon, donc Thermidor a mené une politique étrangère très aventuriste, dans la continuité de laquelle, une fois de plus, se situera Napoléon Ier. Donc le Thermidor n'a rien à voir avec la modération. Alors là, si vous voulez, je trouve que ce paradigme il est assez intéressant. Si on l'applique à cette catégorie des situations que j'ai évoquées, on a là une autre forme de national-libéralisme. Parce que si vous prenez la Russie de... Merci, oui. On avait commencé à... c'est ça. Et vous aviez donné là. Oui, ouais. Donc j'arrive à... À ma conclusion, rassurez-vous. Si on applique cette catégorie, j'ai repéré la montre depuis, si on arrive à cette catégorie, à cette notion, cette catégorie de thermidorienne, si vous prenez la Russie, on voit très bien le nationalisme, pas besoin de faire un dessin, et on voit très bien le libéralisme, c'est-à-dire le capitalisme, on n'est pas du tout dans l'économie de marché. Mais on est effectivement dans une économie d'accumulation primitive du capital et on voit très bien le chevauchement de pouvoir. On voit aussi la professionnalisation du politique, d'abord parce que Poutine est un professionnel de la politique, il a fait la meilleure école, celle du KGB, il est à lui tout seul ce que les Thermidoriens nommaient un perpétuel. Vous savez que une des premières dispositions des Thermidoriens, ça avait été de garantir un certain nombre de sièges à l'Assemblée en prévoyant la reconduction automatique d'un minimum de députés de la Convention. Bon. La Chine correspond bien, me semble-t-il, au même phénomène. On a un État qui affirme ses intérêts nationaux avec une très grande agressivité et qui, d'un autre côté, a épousé l'économie capitaliste globale tout en procédant à une accumulation primitive furieuse au bénéfice des hiérarques du régime et de leurs descendants, qui sont envoyés dans les meilleures universités américaines pour gérer le patrimoine. Donc là, on a des super perpétuels, quand vous voyez la moyenne d'âge du bureau politique du Parti communiste chinois. L'Iran est très intéressant parce que l'Iran effectivement à partir de la mort de l'imam Khomeini mais avant même sous l'autorité de l'imam Khomeini qui fait prévaloir la primauté de la raison d'état sur la raison islamique hein, et ça, on peut pas rentrer dans le détail de la discussion si vous voulez, mais ça, c'est une inflexion que Roménie lui-même introduit dans la République islamique dès janvier 1988, sinon avant. Donc, à partir de ce background, Rafsanjani va effectivement, en tant que reconstructeur, mettre en œuvre toute une série de réformes économiques que ses successeurs reprendront. Et il y a des symptômes de nationalisme qui sont très intéressants, par exemple la reconnaissance, la célèbre visite de Rafsanjani en 1990 ou 91, sur les ruines de Persépolis, des ruines de Persépolis que des révolutionnaires islamistes bien inspirés voulaient raser en 1980. Donc il y a une reconnaissance de la civilisation pré-islamique. Hein. Et Ahmadinejad est très intéressant sur ce plan. Ahmadinejad a été très mal compris en Occident, parce qu'il est plus facile de proférer des invectives que d'analyser les situations. Mais Ahmadinejad, d'abord, est un laïc. Donc, mis à part le très bref intermède de Ben Issad, qui d'ailleurs de toute façon était un fils d'Ed Alim, mais qui lui, effectivement, n'était pas un Alim, donc un ulema, quoi, si vous voulez. Mais Ahmadinejad est un laïc, c'est un ingénieur. Toute sa rhétorique est une rhétorique nationaliste, pas du tout de type islamique. Bon. Donc Ahmadinejad est un parfait national-libéral à mes yeux, en s'employant d'ailleurs à démanteler les subventions des produits de base, etc. Et Ahmadinejad, y compris d'ailleurs dans son style de commandement, ressemble, là c'est polémiste qui revient à la surface, ressemble furieusement à Nicolas Sarkozy. Je trouve que ce sont deux ennemis complémentaires, ils sont absolument parfaits. De même qu'aujourd'hui, Erdogan et Poutine sont deux types qui se... C'est effectivement un autre terme, le narcissisme de la petite différence, c'est très intéressant. Donc je trouve que là on a un ensemble de situations et situations thermidoriennes qui sont intéressantes. Puis pour finir, l'illusion du Sonderweg islamique, hein, en disant bon, l'islam c'est un autre monde. Alors j'ai déjà à propos de Laurent souligné que nous étions bel et bien dans une situation nationale libérale, du type thermidorien en l'occurrence, mais si vous prenez la Turquie n'a pas à proprement parler connu de révolution. Il y a une lutte de libération nationale en 1918-1922, mais il n'y a pas eu de véritable révolution populaire. Bon, après on peut discuter de la révolution de 1908, mais en tout cas l'AKP d'Erdogan est un très bel exemple de national-libéralisme. D'un côté, une politique néolibérale, hein, dont les effets ont été assez spectaculaires sur le plan de l'industrialisation et de la croissance de la Turquie. Et d'un autre côté, l'affirmation du nationalisme, avec une hésitation sur la définition ethno-citoyenne de la citoyenneté, parce que Erdogan, il y a un grand débat en Turquie, est-ce que c'est la République turque ou la République de Turquie ? Les kémalistes ont promu une République turque qui faisait des sunnites, hanéfites, turcophones et de confession laïciste, des citoyens de première classe, quand par exemple les Kurdes, sunnites, chafis, kurdophones étaient des citoyens de seconde zone, qui étaient priés de s'assimiler au modèle dominant. Bon. Donc ça, c'est la définition turque, mais vous avez une définition turque-le, c'est-à-dire de Turquie, et Erdogan est très partagé de temps en temps. Enfin, en ce moment, il est très nationaliste, anti-kurde, etc., mais il y a d'autres moments, il n'y a pas si longtemps que ça, il reconnaissait le fait politique et culturel kurde, et explicitement, il se réclamait de cette définition citoyenneté de Turquie. Et ce qui explique d'ailleurs son positionnement par rapport au génocide des Arméniens. Jamais un dirigeant turc n'est allé aussi loin dans la reconnaissance, sinon du génocide, du moins de ce qui s'est passé. Donc là, il y a une hésitation qui est très intéressante. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, Erdogan est puissamment nationaliste, tout en restant puissamment néolibéral. C'est une combinaison intéressante dans un moment que l'on a pu qualifier d'islam de marché, pour reprendre l'expression d'un politiste suisse, Patrick Henny. Bon. Donc là, vous voyez mon propos, ce concept de national-libéralisme ne cherche pas à éraser la diversité, l'hétérogénéité des, d'historicité des sociétés, hein. Il s'agit plutôt de leur donner, et à partir de cet invariant, de montrer la singularité de ces trajectoires, mais également de ces catégories que j'ai évoquées, parce qu'on ne peut naturellement pas dire, quelle que soit la dureté de mes propos sur l'état policier en Occident, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, être journaliste en France, c'est la même chose que d'être journaliste en Turquie, par exemple. Bon, donc il y a quand même des différences qui sont importantes. Et par exemple, insister sur la catégorie des situations thermidoriennes, c'est rappeler l'irréductibilité de l'événement révolutionnaire. L'événement révolutionnaire est quelque chose qui continue à marquer profondément ces sociétés, à fonder la légitimité de l'État. Si vous demandez aux Iraniens, ils peuvent être contre la République islamique, ils peuvent être contre ses dirigeants, mais ils ne sont pas des réactionnaires au sens où ils voudraient la restauration, par exemple, de la monarchie. Et là, les monarchistes en exil sont complètement à côté de la plaque. Ils sont vraiment des exilés de Coblence. Bon, et nous, le problème, c'est que l'on voit l'Iran à travers les yeux des exilés de Coblence. Donc vous avez un événement révolutionnaire qui garde son actualité au sens toujours deleuzien du terme, et je crois qu'il en est de même en Russie ou en Chine. Donc ce concept de national-libéralisme ne cherche pas du tout à raser la diversité des situations, mais bel et bien à mieux comprendre leur historicité. Alors, quatre remarques de représentants de commerce pour vanter les avantages comparatifs de mon produit. Je pense que le concept, d'abord, nous fait revisiter la périodisation des situations que nous considérons. Vous avez vu que pour moi, la période, c'est une construction, hein, je construis mon objet, la période pertinente recouvre le 19e et le 20e siècle. Donc le long 19e de Hobsbawm, le court 20e siècle, et puis ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Bon. Là où, par exemple, les théoriciens des relations internationales feraient commencer la globalisation, pour les uns à la chute du mur de Berlin et pour les autres à la bombe atomique en 1945, bon, suivant les écoles. Pour les économistes, c'est le néolibéralisme, la fin du keynésianisme dans les années 70 et le néolibéralisme triomphant dans les années 80. Moi, j'ai une périodisation plus large. Et cette périodisation plus large me permet de réfléchir, de penser l'historicité des sociétés en termes d'imbrication des durées. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le raisonnement, mais quand je dis durée, c'est à la fois au sens de Brodel, courte, moyenne et longue durée. Par exemple, dans les sociétés africaines, on voit très bien comment il y a une courte durée post-coloniale qui s'enchasse dans la moyenne durée du moment colonial, et mais tout ça ne prend sens que dans une durée beaucoup plus longue, comme la toque en léopard de Mobutu. Bon. Mais j'utilise le terme de durée également au sens de Bergson. Et là, je vous invite à relire Bergson. Bergson est un des grands pères fondateurs de la sociologie historique et comparée du politique, bien que mes collègues l'aient apparemment oublié. Bon. Et je dirais même, vous connaissez tout le bien que je pense des études postcoloniales, je pense que les études, que le grand absent des études postcoloniales, c'est Bergson. Si les tenants des études postcoloniales relisaient Bergson ou le lisaient, eh bien, ils auraient beaucoup avancé dans leur réflexion. Bon. Donc, premier avantage comparatif, repenser la périodisation et notamment penser l'imbrication des durées constitutives de l'historicité. Deuxièmement, sortir de la téléologie de la transition et d'émergence, hein, qui est, pour ceux d'entre vous qui lisaient des articles sur l'Afrique, ad nauseam, les pays émergents, l'Afrique émergente, etc., qui est le nouveau mot du développement, des évolués, de la mission civilisatrice, l'intégration nationale, etc. Bon. Donc là, on a une vision très téléologique et même très théologique de l'histoire, pas besoin d'en rajouter, mais il me semble que le concept de national-libéralisme peut utilement compléter le traitement transitologique du docteur Dobry, et que ça nous permet de penser autrement certains moments historiques. Troisièmement, ça nous permet de sortir de l'historiographie nationale et du nationalisme méthodologique, puisque l'on pense l'État-nation, non pas comme une espèce de monade dans une trajectoire comme ça solipsiste, mais bel et bien comme une interaction dans sa formation avec le processus général de globalisation. Ce qui m'amène, pour finir, à une belle proposition, de définition du national libéralisme, donc que je vous ai envoyé par email, que vous pourrez répandre telle la bonne parole. Bon, il faudrait la raffiner, hein, mais je l'ai concoctée ce matin pour préparer mon intervention. Donc je pense que l'on pourrait dire que le nationalisme est le point de synergie entre la globalisation, appréhendée dans ses différentes facettes ou paysages, au sens d'Apadourail, sur les deux derniers siècles, et l'universalisation de l'État-nation, qui en constitue lui-même l'une de ses productions et dimensions. Il est susceptible, le national-libéralisme, est susceptible d'être saisi dans ses expressions institutionnelles et idéologiques, pourvoyeuses de politique publique, mais aussi comme un répertoire de subjectivation morale, corporelle et politique, en bref, comme une modalité, aussi bien de construction que de formation de l'État, dans une séquence historique donnée, 19e, 21e siècle, et comme une gouvernementalité à l'intersection des techniques de domination et des techniques du soi. Voilà un essai de définition que je ne livre pas vraiment à la discussion, parce que moi j'ai une lentille sèche et vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, mais je crois que cette formulation synthétise un petit peu mon propos. Alors, moi il me semble que le concept est intéressant et qu'il est heuristique et qui permet de déplacer les lignes de l'analyse et du débat. J'ai essayé de vanter ces avantages comparatifs, mais tout ça est sous réserve d'inventaire et je ne suis pas non plus attaché à ce concept de manière névrotique. Donc que les discussions soient libres, je ne demande pas mieux que de recueillir des critiques, des questions pour essayer d'avancer dans ma réflexion, et je vous remercie de m'en avoir donné l'opportunité. Je vous rends le compte, parce que je devrais partir avec. Je suis quelqu'un de très distrait. J'aurais pas apprécié. Il nous reste 1h23, à peu près. On se prend 35 minutes de discussion, à peu près. Si vous voulez, je peux faire circuler le bouquin. Alors, c'est un recueil d'articles que j'ai fait sur Mediapart, etc., qui sont tous plus méchants les uns que les autres. Donc, c'est pas vraiment un livre scientifique, mais. Il y a deux ou trois méchancetés que j'aime bien. Vu le temps en partie, je vais faire une discussion extrêmement rapide pour rebondir un peu du coup sur la définition donnée à la fin. Donc ça répond déjà à un certain nombre de questions que c'est très bien. Alors simplement, donc on repart de ce qui est dans le livre, à savoir l'idée de combinatoire. C'est pour ça qu'on avait nommé ça au début le titre de la séance sur les hybrides idéologiques. Il me semblait qu'on avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc l'hybridité du national-libéralisme, j'y reviens pas, on voit bien le mélange à la fois de nationalisme et de néolibéralisme, même si c'est vrai que des fois, on comprend mieux à la discussion, à l'oral cette fois, des fois des flottements un peu sémantiques. Parfois il y a national-libéralisme, parfois néolibéralisme utilisé, mais on comprend du coup que ce flottement-là est lié sans doute au fait que parfois on parle d'une des composantes de l'hybride, et parfois on parle de l'hybride en général. On pourra en discuter, je vous enverrai. Ce que je retiens finalement à la lecture, c'est que finalement, ce qui pourrait relever d'un flou sémantique ou d'une indétermination conceptuelle s'explique par le fait que le néolibéralisme est l'une des composantes du le national-libéralisme, pardon, est l'une des composantes du néolibéralisme. Pourquoi ça, c'est surtout dans l'introduction. En fait, finalement, pour pas trop prendre pour argent comptant l'idéologie des néolibéraux eux-mêmes, ça on le comprend bien, de ne pas reprendre les termes, etc. Et deuxièmement aussi, pour essayer de casser ce qui est sans doute l'un des ressorts de l'hégémonie néolibérale, c'est-à-dire cette idée fausse sur le néolibéralisme, selon laquelle ce serait l'opposé du développement de l'État-nation, etc. Et on voit bien qu'à cet égard, c'est à la fois politique comme analyse et analytique, dans le sens où casser cette conception fausse du néolibéralisme permet d'avoir une prise sur son hégémonie-là. Et c'est un argument auquel je suis sensible, parce qu'on comprend pourquoi la gauche peut en partie reprendre le néolibéralisme en se pensant parfaitement sincèrement non néolibéral, puisque nous on est du côté de l'État et on est contre le marché. Donc si les néolibéraux sont contre le marché et sont contre l'État, nous il n'y a pas de problème, et on comprend mieux que des hauts fonctionnaires de Terra Nova puissent se dire absolument non néolibéraux. Si on regarde de plus près, il me semble que la thèse en fait elle recouvre deux réalités. D'une part, extension du marché et formation de l'État-nation vont de pair. Et une deuxième partie de la thèse, c'est que ce développement conjoint du marché capitaliste et de l'État-nation a une conséquence de multiplication des revendications identitaires. On voit qu'il y a ces... Donc il y a un hybride avec deux éléments, et il y a ce troisième élément-là qui ne recoupe qu'en partie la question de l'État-nation, puisqu'il y a des identités non stato-nationales, comme la question régionale, etc. etc. Ce qui me pose question, et ce qui pourrait soumettre un peu à la discussion, c'est que finalement, on a parfois l'impression qu'il y a, c'est un hybride, mais un hybride un peu asymétrique. Alors, la discussion à l'oral, avec les différentes configurations, on comprend que la sensation que j'ai eu à la lecture, c'est que parfois, on a l'idée que le national, c'est un peu l'élément compensatoire à destination des pauvres, pour légitimer la conversion au néolibéralisme. Alors, c'est vrai que la formule est quand même séduisante, le national-libéralisme est au libéralisme que le national-socialisme est au socialisme, une alouette de libéralisme, un cheval de nationalisme. Donc là, on comprend que c'est l'une des modalités, l'une des configurations par rapport au livre, ce que vous rajoutez, c'est que finalement, il y a des modalités très, très différentes de national-libéralisme et que cette formule-là correspond surtout en fait aux droites les plus dures qu'on peut connaître plutôt dans la première configuration. Dans d'autres passages, l'hybride semble plus équilibré, c'est vrai, par rapport au livre. Là, on comprend mieux avec cette typologie-là, ces éléments-là. Il me semble qu'il y avait d'autres flottements, d'autres questions. J'ai l'impression qu'il y a deux choses, enfin une double nature du national-libéralisme. Parfois, c'est une idéologie politique. Parfois, ça désigne un fait social. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit que d'un côté il y a globalisation économique, universalisation de la forme État-nation, développement des revendications identitaires, donc des phénomènes structurels, constitutifs des sociétés modernes. Et donc national-libéralisme, le isme est presque un peu piégeux, puisque en fait c'est pas l'idéologie, c'est plutôt ces phénomènes structurels-là. Mais qu'à d'autres moments dans le livre, là on parle bien de national-libéralisme, notamment vu que le livre est en grande partie à propos de Sarkozy, etc. Là on est sur la théorisation de ça, en tout cas de l'ordre du discours, etc. Ce qui me permet, à mon avis, de comprendre des fois, c'est au niveau de la chronologie, justement, il y avait des questions qui se posaient, parce que parfois, on se demande quel est le champ d'extension de ce concept. C'est-à-dire, quels sont les phénomènes empiriques auxquels il s'applique bien. Et deux questions, la première, c'est soit la démission chronologique, donc vous m'avez volé en partie un certain nombre de critiques, parce qu'en fait, vous y avez déjà répondu. C'est vrai que parfois, donc c'est l'orientation prise au début des années 80, dans la foulée de l'arrivée de Margaret Thatcher, etc. Donc on voit que là, c'est plutôt la veine néolibérale. À d'autres moments, vous parlez du printemps de 1848, depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc on voit vraiment que là, l'imbrication des durées, effectivement, là, on comprend mieux par rapport au livre, finalement, parce que c'est un peu un jeu comme ça. Il me semble que cette imbrication des durées, elle est aussi liée à la double nature du national-libéralisme. Tantôt idéologie, et là, on voit la fin des années 70, début des années 80, tantôt fait social, beaucoup plus structurel et donc plus ancien. Il me semble qu'effectivement, la publication de ces précisions-là permettrait de mieux comprendre du coup cette délimitation chronologique. Et puis, je suis déjà trop long, je m'en excuse, il me semble qu'en termes de champ d'extension, ça pose la question de délimitation chronologique, ça pose aussi la question de à qui ça s'applique, à quel... Bon, vous le dites, c'est pas une idéologie. C'est pas seulement une idéologie, c'est parce qu'il y a une conscience nationale, mais aussi parce que c'est pas la doctrine d'un camp politique. Et j'aimerais creuser là-dedans et peut-être prolonger un peu ça, parce que bon, c'est sans doute une déformation. Moi, je travaille beaucoup sur les sociolibéraux, sur les socialistes contemporains, et le livre finit au moment où François, enfin en tout cas l'épilogue finit au moment où François Hollande arrive au pouvoir. Entre-temps, il s'est passé des choses très intéressantes. Manuel Valls était alors extrêmement minoritaire dans le parti. Il me semble que ce qui se joue autour de Manuel Valls, en fait, sur une forme de national-libéralisme de gauche, pourrait permettre d'aller plus loin en disant on parle de Sarkozy, on parle de Berlusconi, etc. On a une forme de configuration très bizarre où il y a du national-libéralisme qui s'hybride avec les sociaux-libéraux. C'est-à-dire, Manuel Valls articule d'une manière très particulière, même au sein du PS, national-libéralisme, social-libéralisme. Pour Valls, comme pour Blair d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a beaucoup mis en avant Blair comme le social-libéral et beaucoup moins sur la dimension nationaliste, nationale du discours de Blair. Et le succès d'un modèle de société méritocratique, protecteur, pour eux, est gagé sur deux choses, c'est-à-dire l'insertion réussie de la France dans la globalisation économique ou du Royaume-Uni, donc on voit bien la dimension social-libérale, mais aussi sur un sentiment d'appartenance nationale suffisamment fort. Et il y a tout un discours sur la société qui est épargné de conflits importants sur le terrain moral, sur les lieux de production. C'est ces formes de violence symbolique qui sont propres à Manuel Valls, qui disent « ne faites pas d'excuses sociologiques, il ne faut surtout pas fracturer la nation ». Et là, on voit bien qu'il y a un mélange très particulier qui, au sein des gauches social-démocrates, qui ne se passe pas simplement en France ou au Royaume-Uni, qui serait sans doute, à partir de national-libéralisme, à creuser davantage. On voit que là, l'articulation national-libéralisme, il y a ce social-libéralisme très particulier qui a déjà avalé le néolibéralisme, qui avale en plus un discours national. Et il me semble qu'à l'occasion, c'est un peu facile comme conclusion, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire le discours à l'heure actuelle de la République, du national-républicanisme, me semble être un bon exemple de national-libéralisme. Après, j'aurais une dernière question, mais qui est largement ouverte. Il y a d'autres travaux qui ont essayé de poser ces questions de croisement nationalisme, libéralisme et revendication identitaire. On pense évidemment à Wendy Brown sur le côté autoritarisme de l'État libéral, etc. Et finalement, vous en parlez très peu des autres catégories concurrentes ou proches de national-libéralisme dans ce livre-là. Est-ce que c'est un prolongement dans d'autres travaux, etc. Comment vous vous positionnez aussi par rapport au populisme autoritaire de Stuart Hall ou dans d'autres versions? Il me semble qu'on touche à des choses extrêmement proches, même si ce n'est pas en tant que socio-historien de l'État qu'il parte. Voilà, je finis là-dessus, mais j'aimerais avoir là-dessus. Donc peut-être, je ne sais pas, vous répondez, vous avez balancé plein de trucs, ou on ouvre les questions, et puis vous répondez. Je peux peut-être répondre D'abord, merci de vos remarques et de votre lecture, parce que c'est, moi, ça m'aide beaucoup à réfléchir et à affiner ce que vous avez compris être aussi un mouvement d'humeur et aussi de causticité. Bon, c'est-à-dire que ce livre, il faut pas non plus prendre trop au sérieux, quoi. Les papiers qui sont manifestement des papiers très politiques, très polémiques, et où je me suis fait plaisir, parce que j'adore être méchant, et voilà, mon pognon ou Sarkozy sont quand même des assez faciles, moi. Donc, et puis il y a aussi un côté peut-être colère citoyenne. Bon, moi, comme tout un chacun, j'ai des convictions, j'essaye simplement d'articuler, comme je disais tout à l'heure, mes convictions à une réflexion scientifique, bon, et donc à poser en intellectuel et spécifique. Mais je pense que quand on a travaillé sur des sociétés africaines, quand on a travaillé sur des sociétés islamiques, par exemple, il y a des discours qui ne sont pas supportables au sens dermatologique du terme dans le débat public français. Bon, donc il y a un moment où... Je pense que même mon médecin est sans doute content que je m'exprime, que j'externalise le problème. Donc, mais vous avez raison, scientifiquement, à bien des égards, mon propos est tout à fait contestable, il mériterait d'être affiné et précisé ou approfondi. Et là, il faut peut-être lire ce livre en contrepoint du gouvernement du monde, où je suis allé peut-être plus loin dans la réflexion, même si c'est dans ce livre qu'apparaît de façon très fugace le terme de national-libéralisme. Je crois que la manière dont vous avez posé la discussion est la bonne, parce qu'elle a été très weberienne. C'est-à-dire que, effectivement, par votre propos, vous rappelez que ce terme est un idéal type qui ne vaut que par soustraction, que par exception. Je crois aussi qu'il y a en fait, être weberien, c'est évidemment attacher la plus grande importance à la contingence des faits, à la contingence des personnes et à la contingence des combinaisons ou des hybridations. Bon. Et ce qui est fascinant, effectivement, dans nos eaux politiques, c'est de voir que chacun des animaux incarne des dosages particuliers. Bon, Valls, évidemment, est une espèce de clone... Inch'Allah de gauche de Sarko, il a vraiment sa particularité presque psychologique, bon, presque, y compris par rapport à des gens qui pourraient lui être très proches au sein du Parti Socialiste sur des mêmes thèmes. Donc je trouve que c'est intéressant d'attacher la plus grande attention aux nuances, aux tonalités, éventuellement aux dissonances par rapport au type idéal du national-libéralisme dans le cadre de situations historiques complètes. Il ne faut pas non plus essentialiser Valls ou Sarkozy, parce qu'il y a eux-mêmes sont des événements. C'est-à-dire que le Sarkozy de 2002 n'était pas le Sarkozy du discours de Grenoble. On peut partir de l'idée, effectivement, que ce type n'a aucune idée, qui est gré. Enfin, La réalité est sans doute un petit peu plus compliquée. Bon, donc lui-même est un processus, lui-même est un événement au sens de du terme. Bon. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir une discussion comme ça très précise sur pour faire parler des personnages comme Valls ou comme Sarkozy, ou pour faire parler des situations comme la période post-89 de l'Iran, par exemple, ou de la Russie de Poutine. Et c'est au fil de ces discussions que l'on pourra garder ou au contraire jeter à la poubelle le concept. Hein. Et moi, en tout cas, je me reconnais tout à fait dans la manière dont vous posez la discussion. Un point peut-être encore. C'est sur le champ d'extension et sur la question des durées. Cette idée de l'imbrication des durées m'est venue bien après cette réflexion sur le national-libéralisme. Donc je suis heureux si vous percevez des échos. Mais c'est vrai que quand j'ai périodisé la globalisation sur cette base des deux siècles, je n'avais pas encore en tête l'imbrication des durées. C'est à propos d'autres situations, d'autres textes que j'ai commencé à avancer dans cette direction, mais qui au fond rejoint peut-être qu'une des clés effectivement pour clarifier la notion de national-libéralisme et pour essayer d'éclairer un petit peu ces ambiguïtés, ces indéterminations, ces imprécisions, ça serait effectivement de réfléchir en termes d'imbrication des durées. Je pense que ça serait une bonne manière de poser le problème. Et là, on verrait bien, mieux sans doute, quelle est l'historicité de chacune de ces situations nationales libérales, soit à l'intérieur d'une même poule, soit à l'intérieur de la circonscription générale, si je puis dire. La distinction idéologie, au fond, j'utilise comme ça le terme d'idéologie, mais d'une manière sans doute assez lâche. Moi, le concept auquel je suis attaché, c'est quand même le concept de subjectivation. Donc je dirais plutôt que le national-libéralisme est un répertoire de subjectivation aussi bien morale, politique, corporelle et matérielle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la définition que je vous ai lue, j'ai réintroduit le concept de gouvernementalité. Au fond, pour moi, la politique du ventre, par exemple en Afrique, c'est une gouvernementalité. Donc je répondrai comme ça un petit peu sur ce point. Mais peut-être vaut-il mieux faire un tour de table et parce que moi je suis trop bavard. Mathieu. Oui, moi j'ai une question, mais parce que en fait vous venez d'y répondre à moitié, aux trois quarts, et ça rejoint, je pense, un point typo. La question de vous, c'était effectivement si vous avez qualifié le national-libéralisme comme un style. Tout à l'heure, et on voit bien que c'est quand même largement aussi tout un ensemble de pratiques, de politiques, de choses comme ça, quoi. Donc c'était effectivement, quelle est cette... est-ce que ça fait sens de parler d'idéologie nationale libérale pour vous? Et surtout, ma question, c'est, est-ce qu'on peut en faire, à votre avis, une catégorie d'analyse pour un travail empirique en histoire des idées, puisque, voire en histoire sociale des idées, ce qui veut dire, est-ce qu'il y a des textes où cette idéologie se donnerait à voir? Est-ce qu'il faut aller la chercher dans des discours, des phrases, des choses beaucoup plus parcellaires? Ou est-ce que déjà ça, ce serait se centrer sur cette dimension idéale, ce serait en plus l'objet de son corps, quoi, de ce que ça serait dénaturé, quoi. La question que je vois, c'est est-ce qu'on peut en faire un usage en histoire des idées, quoi, concrètement? Il est vrai que l'histoire des idées, vous avez une compétence que moi je n'ai pas du tout. Bon, c'est une discipline que je respecte beaucoup, et d'autant plus que un de mes vieux profs était Jean Touchard, donc très gâté, mais enfin, quand même. Et qui en plus c'est un personnage. Qui avait une envergure personnelle. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose qui m'est indifférent dans ma carrière, mais il est vrai que j'ai travaillé sur d'autres choses, sur d'autres processus, sur d'autres phénomènes, et que vous avez une compétence que moi je n'ai pas du tout. Donc je suis un peu à la peine pour vous répondre, pour savoir si c'est utile ou non, enfin, si le concept est utile ou non. Au fond, c'est vous qui me direz d'ici quelques temps pour si vous êtes tenté de l'utiliser. Mais en tout état de cause, je pense que les idées, voire les textes, sont importants. Je fais la distinction parce que Il est vrai que moi je travaille plutôt sur les pratiques et que les pratiques sont très rarement dictées par la lecture des textes. Bon, ça, les historiens nous l'ont dit à propos de la Révolution française, mais enfin, même si on prend des débats qui nous sont plus familiers, une des grandes crétineries des islamophobes, c'est de penser que les musulmans vivent en fonction du Coran, ou que les chrétiens vivent en fonction. On rationalise après en convoquant le texte sacré. Mais enfin, rares sont les hommes. Évidemment, vous avez des mystiques ou des gens particulièrement dévots qui font de la. Donc ce que Weber et après lui Paul Venn nomment les virtuoses de la religion, bon, il y en a, hein, mais la plupart des gens ont une conception beaucoup plus modeste de la religion, ils portent de façon religieuse, pour citer Paul Venn, comme on porte des vêtements, quoi, par respectabilité, par bon, et que alors je crois que en revanche les idées sont effectivement très importantes. Et moi je suis plus intéressé par l'incarnation des idées, dans le sens presque chrétien du terme. C'est la raison, par exemple, dans mes travaux sur l'énonciation du politique, j'ai eu recours aux travaux de Bartine, et notamment à ce que Todorov traduit par les genres discursifs du politique. Alors, j'ai utilisé le terme, mais en disant toujours, mais attention, c'est pas simplement discursif. Alors, si on prend un exemple concret, je crois que par exemple, dans le Front National, on a des idées, qu'on partage ou qu'on ne partage pas, mais bon, il y a des idées, il y a éventuellement des textes, des écrits, mais enfin, je ne crois pas qu'ils écrivent beaucoup. En revanche, il y a des discours, ça c'est clair. Il y a à la fois des discours politiques, enfin, d'hommes politiques ou de femmes politiques, et puis il y a le discours des militants. Et ce qui est intéressant, mais on va retomber sur les mêmes hésitations, parce que l'histoire n'est jamais univoque, les choses ne sont jamais simples. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, c'est sous-entendu une citoyenneté qui renvoie à un référentiel chrétien, avec beaucoup plus de difficultés judéo-chrétiens, bon, au moins dans certaines strates du Front National, renvoie aussi à une conception très virile du politique. Bon. Dans l'illusion identitaire, je cite des propos que la licence m'empêche de répéter, tenus par des militants du Front National, où on voit qu'ils ont une idée quand même très, très genrée de la nation française. Bon, et que, au fond, ce qu'ils aiment bien dans Jeanne d'Arc, c'est le garçon manqué. Quoi. Donc je trouve que toute cette dimension, y compris très sexualisée, de la nation, du politique, est intéressante. Et évidemment, des débats comme celui du mariage pour tous ne sont pas anodins. Et ce sont des vrais lieux, des vrais moments d'indétermination, de redéfinition. Bon, de la manière, par exemple, dont Marine Le Pen, pour des raisons diverses, ne rentre pas dans la querelle, prend ses distances, mais aussi la manière dont vous avez des bonnes gens qui vous disent non, mais nous, on n'est pas du tout contre les homosexuels, simplement, on considère que, bon, c'est aussi un moment formidable d'appropriation, d'acceptation de ce qu'ils n'auraient absolument pas accepté 10 ans ou 20 ans avant. 10 ans ou 20 ans avant, dans cette population, c'était des sales pédés. Bon, peut-être qu'ils le pensent toujours, mais ils ne peuvent plus le dire. Donc, paradoxalement, ce qui a été perçu comme un moment critique de la reconnaissance par la société française de l'homosexualité ou de l'égalité des orientations sexuelles a été une espèce de dommage du vice à la vertu. Bon, et au fond, tous ces gens qui, en repoussant le mariage pour tous, ont été forcés, ne serait-ce qu'au titre du lip service, d'accepter la légitimité sociale de l'homosexualité. Donc on est dans ce genre de tension, et moi je tiens absolument à ce que mon national-libéralisme ne soit pas une espèce de concept qui écrase l'indétermination et l'ambivalence du social. Et vous connaissez peut-être certains de mes autres travaux, y compris un de mes derniers bouquins, le Plan Cul, une ethnologie politique, je crois, de enfin une méthodologie de pratique sexuelle, je ne sais pas quel était ce titre, le titre est plus facile à garder en tête. Donc dans le cœur de ce bouquin, où je réutilise à un moment donné le terme de national-libéralisme, c'est bien de montrer l'ambivalence des pratiques. Donc je ne voudrais surtout pas que le concept amène une lecture univoque. Par exemple, une interprétation univoque des idées politiques. Les idées sont très importantes parce qu'elles sont des speech acts, elles sont performatives. Et on ne peut pas dire que les idées sont. Mais elles ne sont pas non plus elles ne sont ni la totalité du social, ni un moteur univoque du social et de sa causalité. Enfin, ce sera un peu la même chose que j'introduirai. Samuel ? Ouais, j'ai l'impression que je vais répéter. Pour aller toujours dans le même sens, hein, vous n'arrêtez pas d'y répondre. Et j'arrête pas. Et même si je suis entièrement. Ouais. Non, en gros, ce que j'arrive pas entièrement à saisir, c'est est-ce que vous dites que le national-libéralisme est une idée, slash ensemble de pratiques, gouvernementalité, épistémé, tout ce que vous voulez, mais qui est opposé à d'autres, qui est en concurrence avec d'autres dans le champ politique, ou est-ce que c'est, alors là pour le coup, une idéologie au sens de Marx, c'est-à-dire quelque chose qui est hégémonique à un moment donné, qui vient masquer la réalité des rapports sociaux et qui est, en gros, l'idéologie dominante, si vous voulez. Est-ce que le national-libéralisme, c'est une des idéologies, ou est-ce que c'est juste l'idéologie avec un grand I, l'esprit du temps, qui en gros serait juste le produit produit superstructurel des transformations dont vous avez bien parlé, à savoir globalisation, construction des états-nations. Où est-ce que tu là je pense qu'on va avancer. Ouais. Je vais laisser mais malgré tout, je pense, même si vous me dites que les idées sont. Il y a que ça soit dans un cas ou dans l'autre, ce qui va être une perspective histoire des idées, c'est va bien falloir qu'on se pose la question qui sont les médiateurs de ça, quoi. C'est-à-dire, ça peut pas, même si vous le prenez dans le sens où ça serait l'idéologie dominante, il y a bien des textes, des trucs. Mais bon, mais peut-être juste. Vous me permettez de m'avancer, je vous en remercie, parce que vous montrez que je me suis sans doute mal exprimé. C'est-à-dire que pour moi, le national-libéralisme est vraiment un concept. Et c'est un concept qui, de manière abrégée, de manière synthétique, renvoie à ces deux logiques historiques que j'ai identifiées. D'une part, la combinatoire État-nation, globalisation, et d'autre part, la rétraction identitaire, ou le répertoire identitaire, le culturalisme, disons, excusez-moi, effectivement, idéologie, alors là, pour le coup, comme idéologie dominante de ce moment historique de la combinatoire. Voyez, voilà. Mais pour moi, le national-libéralisme est un concept. Et c'est un concept qui a l'avantage de nous distancier, au sens brechtien du terme, de nous distancier par rapport à des expressions idéologiques de ce moment historique, de cette période historique des deux siècles. Par exemple, le néolibéralisme. Bon, et je crois que l'idéologie néolibérale, le discours, les textes néolibéraux nous empêchent de voir cette combinatoire entre globalisation et universalisation de l'État. Bon. Donc pour moi, le national-libéralisme n'est pas une idéologie, c'est un concept qui permet d'éclairer des logiques politiques qui sont sous-jacentes au néolibéralisme, mais qui d'une certaine manière débordent le néolibéralisme, parce que le national-socialisme, au fond, procède de la même combinatoire. Bah, il y a les théoriciens, il y a le truc, il y a une réflexion sur pour le coup, idéologique dans le national-socialisme. Bien sûr, mais vous l'avez aussi dans le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il y a quand même les ordo-libéralen, il y a, enfin bon, il y a la référence à Québec, il y a, après, bon, oui. Non, mais du coup, c'est une autre manière de poser la question. Est-ce que, justement, dans ce cas-là, dans le cas du national-libéralisme, est-ce qu'on peut identifier des gens qui seraient des idéologues du national-libéralisme, des théoriciens du national-libéralisme, peu importe de savoir si c'est à l'origine ou si c'est plutôt une mise en forme, a posteriori, c'est comme on peut en trouver dans le néolibéralisme, dans le socialisme. Ou pas Je pense que vous êtes mieux, et c'est l'intérêt aussi de la discussion, je pense que vous êtes mieux placé pour les identifier, parce qu'au fond, vous voyez, vous m'attirez, je vous en suis reconnaissant, vous m'attirez vers des questions que je n'avais pas franchement envisagées, parce qu'effectivement, mon périmètre n'est pas celui de l'histoire des idées. Quelles sont vos sources, précisément? Pardon? Quelles ont été vos sources pour alors, construire mes sources, ça a été beaucoup les pratiques, d'abord, d'une part, et les pratiques, et puis les moments où les processus historiques. Bon, par exemple, sur l'analyse de l'État en Turquie ou de l'État en Iran. Bon, bah, par exemple, en Iran. Je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de ma collègue Fariba Nasrallah, qui a écrit donc, essentiellement Être moderne en Iran, et puis Les mille et une frontières en Iran. Par exemple, ce qui est fascinant en Iran, c'est de voir comment le partenariat public-privé, qui est quand même un des grands éléments de l'ingénierie, disons, de l'économie néolibérale, aussi bien en France qu'ailleurs, bon, et vous en retrouvez, vous le retrouvez à l'œuvre en Iran. Donc, par exemple, à partir de 89-90, les politiques économiques en Iran étaient des politiques de libéralisation, de développement du partenariat public-privé. L'historicité du partenariat public-privé en Iran, c'est le VARF, c'est-à-dire ce que nous on traduirait par bien de main morte. Et alors là, pour le coup, le VARF fournit un avantage comparatif extraordinaire par rapport à l'ingénierie de base du néolibéralisme, c'est que le partenariat public-privé, il est sanctuarisé, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, parce que ce sont souvent des sanctuaires religieux, par exemple, le mausolée, enfin la fondation, le VARF, du 8e imam à Machad, est devenu une espèce d'énorme conglomérat. Qui gère, et en tant que tel, le VARF est un partenariat public-privé, en quelque sorte. Bon. En tout cas, c'est parfaitement compatible avec l'ingénierie néolibérale dans le domaine économique du partenariat public-privé. Donc là, vous avez quelque chose de très intéressant, que vous retrouvez d'ailleurs, mais dans un contexte un peu différent, puisque vous aimez les hybrides, en Turquie. En Turquie, c'est dans les années 1960, je crois que dans l'islam républicain, je donne la date exacte, c'est 1966, et il y a un article dans la revue française de sciences politiques, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui traite de cette loi. C'est-à-dire que dans les années 1960, le législateur a créé, par la loi, un statut de endowment, en quelque sorte, de fondation, au sens américain, ou plutôt américain en l'occurrence qu'anglais du terme, et ces fondations, on peut en avoir une lecture parfaitement claire. Par exemple, vous avez plein de fondations bancaires qui notamment font du mécénat, beaucoup d'universités sont adossées à des fondations, et les Turcs avaient plusieurs décennies d'avance sur la France en la matière, de régression, je ne sais pas. Mais vous avez également, sur ce statut de fondation, des VARF au sens islamique du terme. Donc cette loi, c'est un très bel hybride parce qu'elle fait la synthèse entre le droit, on va dire américain pour aller vite, des fondations, et le droit islamique, le FIR, en matière de VARF. Bon. Donc ça, c'est un hybride qui peut être assez intéressant à étudier pour vous, qui a été en particulier bien étudié par... sur un mode, alors, du côté de l'institution de l'armée, par Anouk Corteal, j'estropie toujours son nom, Anouk Corteal, dans une thèse qui a été soutenue à Sciences Po il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Voilà, moi j'ai surtout travaillé, vous voyez, sur des choses de ce genre. Après, vous avez le discours... les discours politiques, alors au sens le plus banal du terme. C'est vrai que des gens comme Erdogan ou Ahmadinejad sont assez fascinants parce qu'ils parlent beaucoup. Et comme toujours, les gens qui parlent beaucoup, ils disent beaucoup de sottises comme moi. Et il y a un matériau très riche dans leur discours. Hein. Après, Par exemple, il faudrait regarder du côté de... En Turquie, vous avez, oui, toute une série d'idéologues. Et par exemple, les gens de la KP sont les héritiers d'une génération de penseurs islamiques des années 30, des années 40, des années 50, qui ont été un peu à la base de ce qu'on a appelé la synthèse turco-islamique. Et là aussi, on est dans l'hybridité, parce que les grands pourvoyeurs politiques de la synthèse turco-islamique, c'était l'armée, notamment avec le coup d'État de 1980. Mais d'un autre côté, l'AKP, alors, Erdogan a un bagage universitaire assez faible. C'est pas une critique, il n'a pas eu la chance de suivre l'université compte tenu de ses origines sociales. Bon. Mais donc, lui, il n'a pas un discours très élaboré, mais je pense que quelqu'un comme Gül, l'ancien président de la République, a une pensée qui est beaucoup plus structurée et qui, elle, plonge très directement, me semble-t-il, il faudrait vérifier, dans cette génération d'intellectuels islamiques des années 30, 40, 50. Hein. Donc il y a la France, malheureusement, je connais beaucoup moins. Paradoxalement, mais bon. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez trouvé des auteurs qui seraient intéressants pour ce faire. Par contre, du discours. Ça fait partie de l'histoire sociale des idées, évidemment. Les discours des hommes politiques, les livres des hommes politiques. Ouais, alors là aussi, il faudrait regarder, par exemple, dans tous les débats au sein du Front National. Vous avez effectivement des itinéraires, des trajectoires par rapport aux Grèces, par rapport à d'autres horizons. Mais là, il y a tous. Mais ça, c'est vous les spécialistes. Moi, je connais très mal et ça serait intéressant de faire la jonction. Peut-être qu'effectivement, c'est un concept qui est très décevant, qui serait très décevant de votre point de vue, c'est possible. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, vraiment pour moi, national-libéralisme est un concept. Donc, même si je peux en avoir une utilisation lâche sur la mode polémique, débat public, etc., mais c'est un concept, et je trouve que ce concept a l'intérêt de faire sortir l'analyse de certaines situations, comme par exemple les situations russes, chinoises, etc., de faux débats transitologiques, par exemple, et qui a l'intérêt aussi, peut-être, de mieux comprendre l'espèce de schizophrénie de la société française. Alors ça, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit le plan cul. C'est que, après, c'est un concours de circonstances, dans une logique de recherche, ça s'autonomise, et puis vous arrivez à des résultats que vous n'aviez pas du tout anticipé. Mais l'origine de ce bouquin, c'était mon envie de travailler sur la société française sans en être un spécialiste. Mais bah, beaucoup de gens, beaucoup d'amis ou de lecteurs me disaient, mais quand même, ce serait intéressant que tu retournes dans la société française, les concepts, les paradigmes, les problématiques que tu as développées à propos de l'Afrique ou de d'autres pays. Bon. Et donc j'avais envie de le faire dans la continuité à la fois de l'illusion identitaire et du gouvernement du monde, et notamment en reprenant cette problématique des techniques de la culture matérielle, des techniques du corps. Et je trouve que la société française est très, très intéressante, parce que c'est une société qui est très globalisée, par nos modes de consommation, moi j'ai beaucoup de cinéma, donc je me réjouis d'habiter en France, parce qu'on a une offre de cinéma absolument extraordinaire. C'est un pays qui est très globalisé dans sa consommation alimentaire. C'est un pays qui est une puissance globale dans le domaine alimentaire. Bon, non seulement parce que maintenant tout le monde mange des baguettes de pain, mais parce que vous avez des grands chefs qui sont aux quatre coins du monde et qui s'inspirent de la diversité du monde pour élaborer leur propre cuisine. Bon, des gens comme Rollinger à Saint-Malo, à Cancale, etc. Bon. Mais nous sommes complètement schizophrènes par rapport à ça, parce qu'on est aussi le pays qui démonte les McDo. Bon, d'ailleurs, le cas des McDo était très intéressant, parce que nous démontons les McDo sous la houlette du prophète José Bové, et nous sommes le meilleur marché de la chaîne, le meilleur marché européen de la chaîne McDo. Si vous faites une descente amicale, puisque maintenant on a le droit, grâce à l'état d'urgence, une perquisition amicale chez un militant d'attaque, vous allez surprendre un militant d'attaque dans une schizophrénie absolue. S'il aurait une moto japonaise, ou une chaîne japonaise, etc. etc. Bon. Donc on est comme ça dans cette espèce de schizophrénie, et il me semble que le concept de national-libéralisme mettant en valeur cette combinatoire entre universalisation de l'État-nation, globalisation et répertoire identitaire, permet de mieux comprendre l'espèce de schizophrénie dans laquelle on est. En tout cas, c'est mon sentiment. Mais c'est un concept, c'est pas une idéologie en tant que, en tant que telle. C'est moi qui introduis la notion dans le débat. Alors il est 16h59. Peut-être s'il y a éventuellement une toute dernière question. Très urgente. 15h59. Oui, pardon. 15h59. Éventuellement une toute dernière question si elle est très très brûlante. Sinon, on peut la poser au bistrot après. Il nous reste 45 minutes pour une petite discussion collective. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie, vous me laissez débattre. Et puis. Vous pouvez... Non, c'est votre jeu. Je vous laisse débattre et je pense pouvoir vous remercier de la part du conseil d'administration de l'association d'avoir créé ce groupe. Et c'est un bon mode de fonctionnement. Et puis, merci vraiment de vos remarques. Pardonnez-moi l'hésitation de mes réponses parce que, encore une fois, je suis en pleine fermentation. Je prétends pas du tout avoir clos la réflexion et vos questions et vos remarques nous aider. Donc, continuons à discuter. Peut-être qu'il y aura un atelier national libéralisme pour le prochain congrès de l'association française au centre. Il faut soumettre une proposition. Merci beaucoup. Merci. Merci.